ça pour moi dénouer. Quel jour sans elle me semble moi long. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise. N'importe quoi.